Gros, j'aime pas trop tes blagues, j'suis comme Nicky dans casino. Que entre deux chaises comme Ben Arfa devant le classico. J'pense que si j'avais pas de passé, moi je volerais pas si haut. Les DJ allument tout le monde comme dans le film d'Al Pacino. On a commencé dans une cave avec les rats, fais pas des signes avec tes bras. Mon daron nique et tout, moi j'ai juste voulu marcher dans ses pas. Secteur criminel, fuck creepy red pour tous les mecs qui m'aident. J'frappe plus fort que d'habitude comme CRS un petit bilan. T'as vu comme ça change juste de Dell. J'braque le game, j'fais la belle. Ouais, j'en ai plus rien à foutre, plus rien à battre, c'est tout pour la belle. J'me le t'ai mat sur la béquille. Pelle 4 tout le c'est qui. Que ça découpe, fais des cales, on me vend des coudes comme les piquilles. On veut de l'oseille sans taffer les vacances vers Santa. T'as fait mon bédo, il sent le pavé, ton morceau il sonne pas vrai. Dieu au coach que là je vais jouer, je vais réussir ou t'as échoué. Pas la même mentale, on s'est battu là où t'as léché. Mec c'est H, quelle vie. Téléphone, WhatsApp, ennemi. Parano dans la job, fais demi. Si je lui parle, fais le screenshot, c'est le prix. On est fait d'or, toujours au top. Nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein. Mes rimes des balles, ah ah ah. On est fait d'or, toujours au top, nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein, mes rimes des balles, ah ah. Elle ah. Me traverse et ça refait la déco. L'ovni il a la barbe, il met la casquette sur le téco. Les jeunes ils sont en chien pendant que les tailles resserrent les taux. Journée de merde, passe plus un pet, mais ça va demain, on reçoit les pots. Clio 2. Enceinte qui grésillait, je connais une meuf faire baiser. Quand je la baisais, j'appréciais. Je voyais le monde dans son fessier. Je veux compter comme un caissier. Puis me barrer au bord de la mer discret que vous m'étiez. Tout le plus de mental, c'est la guerre comme en Italie. Alors j'avais vu sur la montagne. J'écoutais Gilbert Montagne. Je faisais pas le Tony Montana. Tu me connais que du réel, mon montagne. Et ce qui m'ont tous connu par mon talent. Y'a pas d'année, je suis totalement d'accord. Par le succès, je suis condamné. Je rappe petite panne. Niveau problème, j'ai soufflé plus que des montagnes. Tu portes l'œil, tu fais pas exprès. Je vois dehors différemment, comme un détenu qui est extrait. Je passe ma vie dans des vianos. J'nique des mères sans le piano. Matrixé, je refuse de me dire que c'est le déchet qui me rend pas haut. J'ai la rage depuis tout petit, comme un mineur à l'EPM. Poto, fais gaffe où tu sens, me nique pas ma paire TN. J'préfère 4 ou mon 13, au moins il porte pas du cul BM. Quand je reçois mon colis, j'ai le sourire comme un PM. Tu prépares, je ne peux pas, je fais pas le pareil, je suis plus pareil. Cherche un impact même sur Paris, dans le 1, trop dans les parages. Faut que tu finisses ton cas, ils parlent, ils connaissent pas ma hip. J'ai vu ici, ça part en couille, faut minimum, j'suis dans la cave. Mec, c'est H, quelle vie. Téléphone, WhatsApp, ennemi. Parano dans la job, fais demi. Si je lui parle, fais le screenshot, c'est le prix. On est fait d'or, toujours au top, nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein, mes rimes des balles, ah ah ah. On est fait d'or, toujours au top, nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein, mes rimes des balles, ah ah ah. Je te parle comme Esteban, au con, je fume la beuh. Oh pomme, t'es ni chaud ni froid, t'es neutre comme le mois. D'automne les passants disent arrêtez-les, disent la merde à la télé. Tu m'as trahi, ça m'a peiné, la vie de ma mère, tu vas le payer. Mais j'mets devant tac, tac, à peine dans le bloc, bloc. La fuite en tac, au tac, c'est ça de la drogue, un glock. Et ça escroque, ça braque, et ça pop, pop, pop, pop, ça pète des blocs, et ça se monte, et ça meurt tout, tout. J'vois pas pourquoi tu me baratines, j'vois pas une grosse boîte à la saladine. Si j'en suis là, c'est pas moi, c'est la team, j'serai le même sur la thune. Banana, viking, j'fonce au Valhalla. Fonce des sur un bot tout près de la côte avec mes camarades. Mec, c'est H. Quelle vie. Téléphone, WhatsApp, ennemi. Parano dans la job, fais demi. Si je lui parle, fais le screenshot, c'est le prix. On est fait d'or, toujours au top, nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein, mes rimes des balles, ah ah ah. On est fait d'or, toujours au top, nos rimes des balles, ah ah ah. La conquête d'or, on est au top, hein, mes rimes des balles, ah ah.